Chapitre 4. Mes amis, ne croyez pas tous ceux qui prétendent avoir l'esprit, mais mettez-les à l'épreuve pour vérifier si l'esprit qu'ils ont vient de Dieu. En effet, de nombreux faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous pourrez savoir s'il s'agit de l'esprit de Dieu. Quiconque déclare que Jésus-Christ est réellement devenu homme a l'esprit qui vient de Dieu. Mais quiconque refuse de reconnaître ce fait à propos de Jésus n'a pas l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit qu'il a est celui de l'adversaire du Christ. Vous avez appris qu'il devait venir, et maintenant il est déjà dans le monde. Mais vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu, et vous avez vaincu les faux prophètes. Car l'esprit qui est en vous est plus puissant que l'esprit qui est dans ceux qui appartiennent au monde. Ils parlent à la manière du monde, et le monde les écoute, parce qu'ils appartiennent au monde. Mais nous, nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous pouvons connaître la différence entre l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Mes amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils, pour que grâce à lui nos péchés soient pardonnés. Mes amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en Dieu et qu'il demeure en nous. Il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous proclamons que le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un déclare que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et il demeure en Dieu. Et nous, nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous et nous y croyons. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici ce qui montre que l'amour est parfait en nous, c'est que nous soyons pleins d'assurance au jour du jugement, parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. Ainsi, l'amour n'est pas parfait chez celui qui a de la crainte, car la crainte est en rapport avec une punition. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, il ne peut pas aimer Dieu qu'il n'a pas vu, s'il n'aime pas son frère qu'il a vu. Voici donc le commandement que le Christ nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère.